savais qu'un jour tu compterais sur moi. Tu compterais sur moi. Un papillon sans aile. Comment j'ai pu rester si longtemps aveuglé par tant de fierté? La colère m'a toujours éloigné de ces choses. J'en répondrai devant l'éternité. Comment pardonner? Comme l'araignée tissant sa toile juste derrière la grande muraille,